comme les portes au rentre au cas, je vais lier. On sent le béton H24, on y est. Avant ça cristallise dans l'escalier. J'arrive en solo comme un cavalier. Si ferme les portes, on rentre au cas, je vais lier. On a charbonné ce côté-là, je vais lier. On sent le béton H24, on y est. Avant ça cristallise dans l'escalier. On s'est fait tout seul, on n'a pas d'allié. J'arrive en solo comme un cavalier. Chacun sa conscience, chacun son fardeau. Même la beauté est éphémère, demande un pardon. Y'a trop de fils d'âme, elle sort tes gaffos. Pas de sentiment déterminé comme une petite carrefour. L'état se fout de nous, voudrait nous coffrer. Cherche des excuses pour pouvoir nous mettre au frais. Tu parles beaucoup après les vagues, il faut les surfer. Tu parles des femmes, je sais même pas ce que ta sœur fait. La France se sert vite de nous, alors on se sert d'elle. La meuf a des cornes et toi tu vois une paire d'elles. Les bras ne servent à rien, c'est une affaire la cervelle. C'est la même vénitieux dans Terre-Variole ou Herbelle. Ça prend le jaune rive, ça part comme des petits peines. Pour des petits biflages, je n'attribue pas de petites peines. Si tu nous cherches en train d'aller montagne de Birken. Si tu fais le fou poteau, on y tel que ton père Ken. Pétard on circule, tout le monde vaut palper. Comme un chirurgien pour ton larime est scalpé. Les bleus ne servent à rien, ils savent même pas nous palper. Gros depuis tout petit on a appris que seul le salpé. Ça veut du LV, t'as fait comme LV. Rap c'est sous belle V, j'appelle ça la belle vie. Je reçois des grosses fesses, de meufs en selfie. Je saute à personne finir sa vie avec une telle fille. Les petits normales, pilotes sans permis. Ouais de nos jours tout le monde se nie comme c'est pas permis. Y'a plus de sentiments justement qu'ils se terminent. J'vois des petits corps qui font des roues arrière en R1000. Ça met des poches temps, dans ça qu'ils ont au terme. Avec le temps pour toi chaque chose arrive à son terme. Y'a plus du mytho, les médias nous bernent. Faut donc du temps que les prévoyous c'est fermé pour nous au cas, on sent le béton H24, on y est. Avant ça cristallise dans l'escalier. J'arrive en solo comme un cavalier. Si ferme les portes, on rentre au cas, on a charbonné ce côté-là, te lié. On sent le béton H24, on y est. Avant ça cristallise dans l'escalier. On s'est fait tout seul, on n'a pas d'allié. J'arrive en solo comme un cavalier. La police ne serait rien sans tous ces dénonceurs. Les droits de l'homme sont bafoués, nous sommes les défenseurs. On n'a rien sans rien, y'a pas d'argent sans sueur. Quand on s'y est planqué dans la trappe de l'ascenseur. Tu veux choper de la frappe, direction Docteur M. La crème du rifle, le bon produit que tous les secteurs aiment. On fait les sous, on s'aille au bled avec un sale BM. On n'est pas trop du matin, on se lève à 5 PM. Suffit pas de donner parole, il te faut l'honorer. Ça veut tout monopoliser qu'on veut s'embolorer. On se fait la guerre comme les pyramides et les tarterés. Fais pas le fou en équipe, tu serais seul, on te tarterait. Y'a de la place pour les forts, les faibles écartelés. Elles jouent les vierges, puis finissent les membres écartelés. Y'a trop de sorcières, tu peux te faire ensorceler. Hein, j'ai deux cochons, tu n'es qu'un porcelet. Je peux vite monter couler comme ça mine la série. Dis avoir vécu des choses, ils les ont vu qu'en série. Le monde se fout de la Palestine, demande à Syrie. On se calme au bled, pétard avec du Assyrie. On traîne dans les parages, je crois qu'on les embarrasse. L'État nous fait barrage, je crois bien qu'ils veulent qu'on débarrasse. Rappelle quand d'où tu viens, ne renie pas ta race. Bonne tout pour la famille, déterminée comme les maras. On vise des points vitaux, comme l'artère fémorale. Chaque jour l'État resserre les taux sans aucun fémoral. Ils visent le compte en banque, ils frappent où ça fait mal. Poteau pour tous, c'est la même galère, qu'on soit femelle ou mâle. La journée ça charbonne, le soir on fait le bilan. C'est la même que tu sois un réseau ou dealer ambulant. On se fait la guerre entre frères, tout comme les 2000 ans. Une tour ça se battra à l'épée, c'est comme il y a 2000 ans. On sent le béton H24, on y est. Avant ça cristallise dans l'escalier. J'arrive en solo comme un cavalier. Si ferme les portes, on rentre au cas, je vais lier. On a charbonné ce côté-là, te lier. On sent le béton H24, on y est. Avant ça cristallise dans l'escalier. On s'est fait tout seul, on n'a pas d'allié. J'arrive en solo comme un cavalier. Si ferme les portes, on rentre au cas, je vais lier. On sent le béton H24, on y est. Avant ça cristallise dans l'escalier. J'arrive en solo comme un cavalier. Si ferme les portes, on rentre au cas, je vais lier. On a charbonné ce côté-là, te lier. On sent le béton H24, on y est. Avant ça cristallise dans l'escalier. On s'est fait tout seul, on n'a pas d'allié. J'arrive en solo comme un cavalier. Si ferme les portes, on rentre au cas, je vais lier.